Chapitre 15. Route de Moscou à Pétersbourg. Je quittais Moscou avec regret. Je m'arrêtai quelque temps dans un bois près de la ville où les jours de fête les habitants viennent danser et fêter le soleil dont la splendeur est de si courte durée même à Moscou. Qu'est-ce donc en s'avançant vers le nord? Ces éternels bouleaux qui fatiguent par leur monotonie deviennent eux-mêmes très rares, dit-on, lorsqu'on s'approche d'Archangel. On les conserve là comme des orangers en France. Le pays de Moscou à Pétersbourg n'est que sable d'abord et marais ensuite. Dès qu'il pleut, la terre devient noire et l'on ne sait plus où trouver le grand chemin. Les maisons de paysans, néanmoins, annoncent partout l'aisance. Ils ornent leurs demeures avec des colonnes. Des arabesques sculptées en bois entourent leurs fenêtres. Quoique ce fût en été que je traversasse ce pays, j'y sentais le menaçant hiver qui semblait se cacher derrière les nuages. Quand on me présentait des fruits, leur saveur était âpre, parce que leur maturité avait été trop précipitée. Une rose me causait de l'émotion comme un souvenir de nos belles contrées, et les fleurs, elles-mêmes, paraissaient porter leur tête avec moins d'orgueil, comme si la main glacée du nord eût été déjà prête à la saisir. Je passais par Novogorod, qui était, il y a 6 siècles, une république associée aux villes hanséatiques, et qui a conservé longtemps un esprit d'indépendance républicaine. On se plaît à dire que la liberté n'a été réclamée en Europe que dans le dernier siècle. C'est plutôt le despotisme qui est une invention moderne. En Russie même, l'esclavage des paysans n'a été introduit qu'au XVIe siècle. Jusqu'au règne de Pierre Ier, la formule de tous les ukases était « Les boyards ont avisé, le czar ordonnera ». Pierre Ier, quoiqu'à beaucoup d'égards, il ait fait un bien infini à la Russie, abaissa les grands et réunit sur sa tête le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, afin de ne pas rencontrer d'obstacles à ses desseins. Richelieu se conduisait de même en France. Aussi, Pierre Ier l'admirait-il beaucoup. On sait qu'en voyant son tombeau à Paris, il s'écria « Grand homme, je donnerai la moitié de mon empire pour apprendre de toi à gouverner l'autre ». Le czar, dans cette occasion, était trop modeste, car il avait sur Richelieu d'abord l'avantage d'être un grand guerrier, et de plus, le fondateur de la marine et du commerce de son pays. Tandis que Richelieu n'a fait que gouverner tyranniquement au dedans et astucieusement au dehors. Mais revenons à Novogorod. Ivan Vassilievitch s'en empara en 1470. Il détruisit la liberté de cette ville. Il fit transporter à Moscou, dans le Kremlin, la grande cloche nommée en russe Vetchevoï Kolokol, au son de laquelle les citoyens s'assemblaient sur la place pour délibérer sur les intérêts publics. En perdant la liberté, Novogorod vit chaque jour disparaître sa population, son commerce, ses richesses. Tant le souffle du pouvoir arbitraire, dit le meilleur historien de la Russie, est desséchant et destructeur. Encore aujourd'hui, cette ville de Novogorod offre un aspect singulièrement triste. Une vaste enceinte annonce que la ville était jadis grande et peuplée, et l'on n'y voit que des maisons éparses, dont les habitants semblent placés là comme des figures qui pleurent sur les tombeaux. C'est peut-être aussi maintenant le spectacle qu'offre cette belle ville de Moscou, mais l'esprit public la rebâtira, comme il l'a reconquise.